Bonjour, monsieur. Je voudrais réserver une table pour ce soir, s'il vous plaît. Oui, madame, pour combien de personnes? Pour 3 personnes. Est-ce qu'il reste de la place sur la terrasse? Je suis désolé, madame, sur la terrasse, c'est complet. Mais je peux vous mettre près de la fenêtre, à l'intérieur. Ça vous convient? D'accord. C'est au nom de Favier.